إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عباد الله إن أعظم الأعمال وأجل الطاعات وأحبها إلى ذي الجلال والإكرام ذكر الله تبارك وتعالى ولا سيما بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يدرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر معاشر المؤمنين هؤلاء الكلمات حبيبات إلى رب العباد جل وعلا بل هي أحب الكلام إلى الله عز وجل وقد رتب عليهن جل وعلا أجورا كثيرة وأفضالا عميمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة والمؤمن الموفق من يغنم حياته في الإكثار من ذكر الله عز وجل ولا سيما هؤلاء الكلمات العظيمات يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي أحب إلي قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بمعنى أي أحب إلي من الدنيا كلها بما فيها من أنواع النعم وصفوف المنن وليت قلوبنا تعقل ذلك وتعيه عباد الله ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تشريف هؤلاء الكلمات وتفضيلهن وبيان عظم ثوابهن وأجرهن يوم القيامة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء الكلمات مكفرات للذنوب والمراد بالذنوب المكفرة الصغائر لأن الكبائر عباد الله لابد فيها من التوبة كما روى الإمام الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما على الأرض رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد chaque croyant, chaque croyante donc aujourd'hui je voulais qu'on se fasse un rappel mais vu les conditions atmosphériques Inch'Allah pour les frères qui sont dehors on va essayer de résumer et d'avancer et d'être bref et concis. Alors, on va aujourd'hui, on a longuement parlé du comportement, de l'éthique du musulman, et que le croyant, il recherche un cœur apaisé. Il veut que son cœur soit tranquille et apaisé. Alors, sachez qu'il n'y a pas un plus grand remède pour l'apaisement des cœurs et la tranquillité des cœurs, si c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle « zikrullahi azza wa jal ». Celui qui passe son temps ces instants qu'il vit dans cette vie d'ici-bas. Et on a parlé la fois dernière du bienfait de ces moments qu'on vit dans cette vie d'ici-bas, si on les utilise dans le bien et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que à chaque matin, lorsque le croyant se lève, il sait qu'il est dans un bienfait immense. Et là, pour résumer, être bref et concis, je vais vous rapporter un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelles sont les meilleures paroles, d'une manière absolue. Les meilleures paroles à prononcer, les meilleures paroles qu'on peut dire, qu'on peut proférer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, il dit « Ahabbul kalam ilallahi arba » Les paroles les plus aimées auprès du Seigneur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont au nombre de quatre. Il dit les quatre paroles meilleures auprès d'Allah azza wa jal, c'est le fait de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et le prophète, ensemble dans ce récit, nous dit que tu commences par subhanallah ou bien par alhamdulillah, le principal c'est de dire ces quatre paroles. Sachez mes frères, si vous avez des moments, si vous avez des instants, Allah vous a donné ce bienfait, vous rendez compte du bienfait du waqt, que c'est quelque chose de précieux, alors passez votre temps dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah, avec l'évocation d'Allah, que les cœurs vont s'apaiser? La personne qui vit des problèmes, qui vit des épreuves, s'il veut un cœur apaisé, un cœur plein de quiétude et de tranquillité, qu'il évoque Allah Azza wa Jal. Ne pas oublier l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Fi sabah, wa fi masa, wa fi layl, le matin en se réveillant, le soir, la nuit, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous êtes dans les transports, évoquez Allah Azza wa Jal. Le prophète Ansem قال: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut." Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dit une bonne parole ou bien qu'il se taise. Là, vous avez les paroles qui sont les meilleures et les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont faciles et légères. C'est des paroles faciles à prononcer, elles sont légères, mais elles seront lourdes sur la balance. Vous avez un instant dans votre voiture, dans votre foyer, vous avez un moment où vous pouvez prononcer ces paroles en attente d'une prière ou autre, dans un autre instant. Alors, ne négligez pas cela. Ne négligez pas ces paroles-là. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Enseignez cela autour de vous, c'est la meilleure des choses, ça c'est un trésor. Pour cela, pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de nombreux hadiths, mais je vais résumer par rapport à nos frères qui sont dehors sous la pluie. Mais de nombreux hadiths, je vous réfère à revenir, à consulter justement les recueils où qu'il y a ces hadiths qui nous méritent, qui nous vantent les mérites de cette parole, de ces quatre paroles qui sont les plus aimées. Donc le premier hadith qu'on a évoqué, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ahabbul kalam ilallah » les meilleures paroles auprès d'Allah azza wa jal, les plus aimées, « Ahab » les plus aimées, ce sont ces paroles qu'on a citées, ces quatre mots, subhanallah, ces quatre paroles, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que je dise subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Bimarna, ay ahabbu ila man, ahab ilayya min ad-dunya kulliha bima fiha min anwa'i an-ni'am. Le prophète disait que je dise ces quatre paroles, c'est meilleur pour moi. Je préfère cela que toute cette dunya et tout ce qu'elle contient. Que cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était préférable et plus aimé auprès de lui de prononcer ces paroles que cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît le mérite et la grandeur de ces paroles. Alors c'est un rappel que je me fais à moi-même et que je vous fais. Multipliez justement l'évocation d'Allah. Regardez des simples paroles. On a un hadith, par exemple, où le prophète s'en samedi, man qala subhanallahi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Par exemple, dans un récit, le prophète s'en samedi nous dit, celui qui dit juste subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, gloire à Allah et louange à lui. Une parole légère à prononcer, légère sur la langue, mais qui est lourde. Le prophète s'en samedi nous dit juste le fait de dire subhanallahi wa bihamdi, celui qui dit cela, lui sera enraciné pour lui un palmier au paradis. Tu es un palmier au paradis. Le fait de dire juste Subhanallah wa bihamdi. Il y a d'autres invocations, si vous les dites, c'est comme si vous avez affranchi un esclave. Il y a des invocations, si vous les dites, vous avez l'expiation des péchés. D'ailleurs, on a un hadith, justement, qui nous dit que le fait de dire ces paroles-là, c'est une expiation des péchés. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.